se rencontrant dans des thromboses, c'est une obstruction d'une veine profonde par le fontus. Donc il faut distinguer les veines profondes des veines superficielles. Les veines superficielles, c'est surtout sur un bout, c'est les veines sans veine. Et les veines profondes sont les veines satellites des artères. La veine fémorale commune, la veine fémorale superficielle, donc paradoxalement, elle est appelée superficielle, mais c'est une veine profonde. La veine fémorale superficielle, la veine profondité et les veines même du moins. Donc c'est une cause, c'est la cause la plus fréquente de décès évitable en milieu hospitalier. Donc c'est très important, c'est un problème très fréquent et potentiellement grave, parce que ça peut entraîner le décès. En plus, on peut l'éviter, donc c'est très bon, on peut prévenir la survenue de la thrombose veineuse. En plus, c'est une pathologie qui concerne tous les médecins, donc c'est pas la carte du cardiologue. Quelle que soit la spécialité, tous les patients peuvent avoir une thrombose veineuse profonde au milieu hospitalier. Donc, tout le monde doit savoir reconnaître la thrombose veineuse profonde et surtout savoir la prévenir. Donc, pourquoi la thrombose veineuse profonde est grave, potentiellement grave? C'est parce que c'est de par sa complication qui est l'embolie pulmonaire. Et la thrombose veineuse profonde avec l'embolie pulmonaire, c'est pratiquement la même pathologie. On parle de maladie thromboembolique veineuse. C'est la même épidémiologie, le même facteur prédisposant, le même traitement pratiquement et la même prévention. C'est clair? TVP, thrombose veineuse profonde, plus l'embolie pulmonaire. Le tout, c'est qu'on parle de maladie thromboembolique veineuse. Donc, lorsque vous trouvez ce terme, maladie thromboembolique veineuse, ça englobe les thromboses veineuses profondes et l'embolie pulmonaire. Sur le plan épidémiologique, on a dit que c'est fréquent. C'est à peu près aux États-Unis 5 millions de thromboses par an. Donc, c'est énorme. Parmi ces 5 millions de thromboses, on va avoir ainsi 1 million d'embolies pulmonaires. Et parmi ces embolies pulmonaires, à peu près 300 000 vont mourir. Et tout ça, on peut le prévenir. D'ailleurs, aux États-Unis, la fréquence commence à diminuer grâce à nos efforts de prévention. Chez nous, on sait un peu. Donc, les facteurs prédisposants, c'est très important. Donc, il faut savoir quels sont les facteurs qui prédisposent à la thrombose pour savoir la prévenir. Donc ça a été décrit très longtemps par Virchow. C'est une triade. Donc c'est une sorte d'interaction entre des facteurs liés au patient. Donc il y a une hypercoagulabilité. Donc le patient, le sang du patient a tendance à se coaguler de façon excessive. Donc, on a généralement une hypercoagulabilité. Plus un facteur lié à la situation dans laquelle est mis le patient. Donc, on a l'hypercoagulabilité plus un autre facteur. Généralement, ça va entraîner une thrombose veineuse. Donc, si on commence par l'hypercoagulabilité, c'est une tendance au sang de se coaguler de façon excessive. Ça peut être héréditaire ou acquis. Donc, les causes d'hypercoagulabilité acquises sont généralement les cancers. Donc, les cancers favorisent. Par ces questions sont ce qu'on appelle des syndromes paraneoplasiques. Donc, le cancer va favoriser une hypercoagulabilité. La contraception orale, ça favorise. Hypercoagulabilité. Et on a également, parmi les causes d'hypercoagulabilité acquises, le syndrome des antiphospholipides. Vous connaissez? Non. Donc, le syndrome des antiphospholipides, c'est une maladie auto-immune dans laquelle il y a des auto-anticorps, donc des anticorps dirigés contre l'organisme, et ces anticorps vont favoriser une hypercoagulation. Généralement, c'est associé à d'autres maladies du système, généralement le lupus. Souvent, c'est des femmes qui ont un lupus et en plus, ils ont des anticorps antiphospholipides. Et ces patientes vont développer souvent des thromboses artérielles et veineuses. Ils peuvent développer des AVC, des infarctus, des embolies pulmonaires, des thromboses veineuses, etc. Parfois, c'est isolé. Donc, l'absence de lupus peut être isolée, nous avons des antiphospholipides. En plus, ce qui est marqué, marque dans ce syndrome, c'est souvent l'association à des avortements à répétition. Donc une femme qui fait des avortements à répétition, plus des thromboses veineuses, généralement c'est le syndrome des anticoagulants. Donc il faut maintenir une coagulation à long terme. C'est clair. On a également l'hypercoagulabilité héréditaire, ce qu'on appelle la thrombophilie. C'est des pathologies héréditaires génétiques qu'on retrouve dans la famille, des antécédents de thrombose veineuse, de thrombose pulmonaire, etc. Donc c'est dû à une anomalie dans les protéines de la coagulation. Donc dans le corps, il y a un système de coagulation, une sorte de cascade, qui va se terminer par la genèse du facteur, par la genèse de fibrine. Donc ça commence par d'abord un transfert, d'abord un transfert, une coagulation qui se termine par la formation de fibrine. Donc ce système est normalement contrôlé par des protéines qui inhibent ce système, notamment les protéines C, protéines S et l'antithrombine. C'est l'antithrombine 3, ou antithrombine 2, c'est la même chose. Donc, si on a un déficit dans les protéines qui inhibent la coagulation, on a une tendance à l'hypercoagulation. Donc, les déficits en protéines C, les déficits en protéines S, les déficits en antithrombine favorisent les thromboses. C'est clair? Si vous avez des questions, pour les poser au fur et à mesure. On a également une anomalie assez fréquente qui est le facteur 5 de Leiden. Donc, c'est quoi? C'est une mutation dans la protéine qui est dans le gène de la protéine qui est dans le gène du facteur 5. Donc, cette mutation va entraîner l'inefficacité de la protéine C. Donc, la protéine C, normalement, elle agit sur le facteur 5. Lorsque le facteur 5 est modifié, la protéine C devient inefficace. Donc, c'est comme un déficit relatif en protéine C. La protéine C lance la dose entre le corps normal, mais elle est inefficace parce que le facteur 5 sur lequel elle agit est modifié par une mutation. C'est clair? Oui? Donc, le facteur 5 de l'hélium, c'est quoi? Donc, normalement, la cascade de la coagulation. On a le facteur 5 qui agit dans une étape de la cascade de la coagulation. Normalement, la protéine S, la protéine C va inhiber le facteur 5 pour éviter une hypercoagulation. Donc, lorsque le facteur 5 est modifié, la protéine C devient inefficace. Donc, elle fait inefficace et la coagulation devient excessive et on aura une hypercoagulation. La même chose pour l'orientation du gène de notre thrombine. Donc, toutes ces pathologies, c'est des pathologies héréditaires qu'on trouve souvent dans la famille des antécédents de thrombose veineuse et de thrombolie pulmonaire. Voire de thrombose artérielle. Donc, lorsque le patient a déjà auparavant une tendance à l'hypercoagulation, et lorsqu'on le met dans une situation qui favorise la coagulation, la thrombose va survenir. Quelles sont les situations qui vont favoriser la coagulation? On a soit la stase veineuse, donc le ralentissement du flux sanguin, va favoriser la thrombose, soit une lésion dans la veine, donc une lésion dans la paroi de la veine qui va favoriser la coagulation. Donc la stase, on va voir généralement chez les patients immobilisés, pour n'importe quelle raison, une paralysie, un AVC, des patients avec une conscience cardiaque, une conscience respiratoire, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas respirer. Donc ça va favoriser la stase veineuse. Et soit on a une lésion endothéliale, donc une anomalie au niveau de la paroi de la veine, suite à un traumatisme, une chirurgie, une voie veineuse, parce qu'on met une sonde, un cathéter dans une veine centrale, par exemple un cathéter dans la veine supravienne, ça favorise la thrombose, par exemple. Ou bien des antécédents de thrombose. Donc lorsque le patient a déjà fait une thrombose veineuse profonde, la veine est altérée. On on a des, la cicatrisation pour entraîner une mauvaise cicatrisation pour entraîner une déformation graveur qui va favoriser les récidives à long terme. C'est clair? C'est pas clair? Merci. Donc, toujours les facteurs prédisposants. Donc, on va distinguer globalement deux types de thrombose veineuse. La thrombose veineuse provoquée et la thrombose veineuse spontanée. Donc, la thrombose provoquée, on a un facteur évident qui vient favoriser la thrombose. Par exemple, une chirurgie, quand un patient opéré, c'est normal, un traumatisme majeur, l'automobilisation pour d'autres raisons, la grossesse, la contraception orale, le traitement hormonal substitutif pour la ménopause. Donc tous ces facteurs vont favoriser la thrombose. Donc c'est clair, on a un facteur déclenchant évident. On parle de thrombose veineuse profonde provoquée. Et bien ça a de l'influence après pour la durée dont tu proposes. Et on a la thrombose veineuse profonde spontanée. On ne trouve aucun facteur. Et c'est assez fréquent. À peu près 50% des patients, on ne trouve aucun facteur prédisposant. Souvent, il y a une thrombophilie sous la santé. Il faut savoir également que les facteurs de risque d'athérosclérose, le tabac, le cholestérol, l'HDL, le diabète, etc., favorisent également la thrombose veineuse profonde. Donc, par exemple, si on prend une femme qui prend une contraception, plus elle fume, donc le risque d'avoir une thrombose veineuse est assez élevé, surtout s'il y a une thrombophilie sous-jacente. Globalement, les facteurs prédisposants, c'est surtout la chirurgie en milieu chirurgical. C'est surtout la chirurgie orthopédique et la chirurgie gynécologique. Donc, ça, c'est les plus pourvoyeuses de thrombose veineuse. On a également, dans le milieu médical, c'est surtout le cancer, l'insuffisance cardiaque, les AVC, c'est des causes très fréquentes de thrombose veineuse. Voilà, plus on est plus prononcé, le cancer, c'est postpartum. C'est classique. Donc, on passe à l'histoire naturelle de la thrombose veineuse. Donc, l'histoire naturelle, c'est-à-dire, c'est l'évolution sans traitement. Donc, l'histoire sans intervention thérapeutique, comment elle va évoluer la thrombose veineuse. Donc, généralement, la thrombose, elle va commencer au niveau du mollet. Donc, les petites veines du mollet, avec la stase, l'hypercoagulabilité, etc. Ça va entraîner la formation de petites thrombies à l'intérieur des veines. Ces thrombies peuvent rester au niveau du mollet et peuvent passer inaperçues. Ce qu'on appelle la thrombose veineuse distale. Au-dessous du genou. Au-dessous du genou. Mais donc, dans 50% des cas, le thrombus va migrer en proximal, donc vers la cuisse, et ça va donner une thrombose veineuse proximale qui est souvent symptomatique. Donc la thrombose veineuse distale, elle peut rester passée inaperçue. La thrombose veineuse proximale, par contre, elle est souvent symptomatique. Et c'est la thrombose veineuse proximale qui va entraîner l'embolie pulmonaire. Donc si le thrombus reste au niveau du mollet, c'est pas grave. Donc, le thrombus ensuite va passer dans la circulation veineuse vers la veine cave inférieure, vers l'oreille droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire, et il va se bloquer au niveau des artères pulmonaires, et ça va entraîner une embolie pulmonaire. Donc, c'est à peu près 50% des thromboses veineuses proximales se compliquent d'embolie pulmonaire. Quoique cette embolie, elle peut passer inaperçue également. C'est pas toujours symptomatique. Parfois, le patient se présente d'emblée avec un tableau d'embolie pulmonaire. Thrombose veineuse est passée inaperçue. Et on connaît que l'embolie pulmonaire, à peu près la mortalité est aux alentours de 10 jusqu'à 15%. Donc elle est plus grave qu'un infarctus. C'est clair, qu'est-ce qu'on a sur l'heure? Toujours l'histoire naturelle, mais à long terme. Donc ça, c'est la partie aiguë. À long terme, le risque, c'est de passer d'avoir un syndrome post-thrombotique. C'est quoi un syndrome? C'est très fréquent, c'est à peu près 25 à 40% des patients qui vont développer un syndrome post-thrombotique, vous voyez l'image. Donc c'est quoi la syndrome post-thrombotique? C'est... Oui. Donc le syndrome post-thrombotique, c'est lorsque le thrombus, donc lorsque la veine profonde, les veines sont généralement munies de valvules. Donc le sang va monter vers le cœur, ensuite la valvule se ferme pour éviter le reflux du sang vers le bas. En cas de thrombose veineuse, les valvules sont détruites, peuvent être détruites, et le sang va refluer vers le bas. Donc ça va augmenter la pression veineuse et ça va donner des symptômes. Donc ça va donner des lourdeurs, la douleur, des tuméfactions, une coloration anormale au niveau des jambes, voire une ulcération. Donc ça va altérer la cicatrisation, une cicatrice va se pérenniser et l'ulcère reste ouvert pendant c'est très difficile de cicatriser ces ulcères veineux. Donc il faut essayer d'éviter au maximum ce syndrome. Bon, c'est pas grave, mais ça altère la qualité de vie des patients. On a également le risque de récidive. Donc, 30% des patients vont récidiver à 10 ans. Donc si on arrête l'anticoagulation, un tiers des patients vont récidiver. C'est énorme. Et il faut savoir maintenir notre traitement anticoagulant lorsque le risque est élevé. Oui. C'est une ulcération cutanée due à cette insuffisance veineuse. Donc la pression veineuse va augmenter, ça va altérer les échanges gazeux au niveau de la microcirculation, etc. Et lorsque le patient va avoir une cicatrice au niveau de la cheville, par exemple, elle ne va pas cicatriser, elle fait de la mauvaise circulation en distalité. La pression veineuse est très élevée, la microcirculation est gênée, etc. Non, les varices, c'est une dilatation des veines superficielles suite à l'hyperpression veineuse. Donc, lorsque la pression veineuse dans les veines profondes est élevée, pour le retour veineux, le sang va emprunter d'autres veines superficielles, les veines qui vont se dilater et former des varices. Donc, on pourrait avoir des varices et aussi des ulcères. L'ulcère, c'est un peu tardif, c'est le stade tardif. Ah, donc c'est un peu sur le ulcère. Non, c'est aussi le stade, parce qu'on vient se lever, mais on parle de l'ulcère. On peut avoir des varices, une naissance veineuse, sans que le patient a déjà fait une thrombose veineuse. Il y a des patients qui ont des anomalies dans les veines, dans ces personnes veineuses, qui peuvent avoir des varices sans qu'il y ait auparavant une thrombose veineuse. Le traitement des varices, en chirurgie, mais généralement c'est des mesures génodésiques. Il faut éviter la position debout, la position assise pour manger, donc il faut marcher. Parce qu'avec la marche, les muscles vont comprimer les veines. On va faire la reflux, passer de son vers le haut. Et on peut donner des vénotoniques, des médicaments qui remplissent un peu les veines, mais c'est pas très efficace. Mais ce qui est le plus efficace, c'est des barres de compression. Des barres spéciales pour les varices qui vont diminuer la pression intraveineuse et vont soulager le muscle. Non, thrombose veineuse, c'est des veines profondes. Les varices, c'est des veines superficielles. On va y arriver dans le traitement. Donc on passe au diagnostic. Donc le diagnostic, c'est généralement une tuméfaction avec couleur d'un membre. C'est asymétrique. Si on trouve une asymétrie, on peut prendre l'examen de membre pour suspecter une thrombose veineuse. C'est la thrombose veineuse. Auparavant, on parle de thrombose veineuse. Actuellement, on dit thrombose veineuse profonde. Donc, c'est une douleur exagérée par la palpation des trajets veineux. Donc, si on parle des trajets de la même hémorragie, par exemple, pour la même propriété, c'est douloureux. Plus le dème, donc la tuméfaction, soit la jambe, si la thrombose est propriété, plus le mollet, soit tout le ventre, si la thrombose est qui va coûter mon linéaire. Généralement, on a des signes inflammatoires, donc la peau est chaude, etc. Plus on peut peut avoir des signes généraux. Donc, on peut avoir bien une petite triade et une accélération du coup. Sur le thème cargoté ou non? Ça, oui. Généralement, il faut garder le volet lorsque le tableau est très récent. Si le thrombose est un peu tardif, si on veut le patient tardivement, la peau généralement est très tombée et on ne peut pas avoir le volet. Pour ça, c'est pas important. Donc, toujours, lorsque vous trouvez une anomalie, une asymétrie dans l'examen clinique entre deux membres, donc une installation récente, une tumefaction ou sur un seul membre, surtout si il y a un facteur prédisposant, toujours rechercher la thrombose veineuse. Parfois, le tableau n'est pas vraiment typique. Il doit se procher des patients hospitalisés. Lorsqu'on suspecte, il faut explorer. Donc, quels sont les diagnostics différentiels les plus fréquents? D'abord, on a la rupture du kyste de Becker. Donc, c'est un petit kyste synovial dans l'articulation du genou. Parfois, sa rupture va entraîner un tableau similaire à une thrombose veineuse, une douleur, une infection, etc. Et c'est l'échotomplaire qui confirme le diagnostic. On a également fréquemment la cellulite ou l'érysipèle. Donc, dans la cellulite, le tableau général est plus prononcé. C'est plutôt la fièvre, les frissons, et le tableau local est moins bruyant. Souvent, d'abord, ces informations sont plus marquées, donc la rougeur, la chaleur, etc., avec le tableau général. Le tableau également va continuer le diagnostic. Et enfin, le syndrome post-thrombotique. Donc, le patient qui a déjà fait une thrombose veineuse, donc, et il développe un syndrome post-thrombotique. Parfois, une exagération du syndrome post-thrombotique va simuler une thrombose récente. Parfois, il est difficile de faire la part entre une récidive d'une thrombose veineuse ou d'une accentuation du syndrome post-thrombotique. Il faut bien interroger le patient, on va trouver que les symptômes ne sont pas très récents, ça va pas prendre longtemps. Et le Doppler, généralement, va aider le diagnostic. Oui. On va y arriver. Donc, vous allez sur les bouquins, vous trouvez le score Jouvence. Donc, juste une idée pour savoir ce qu'est. Donc, comme le diagnostic n'est pas évident, souvent le tableau n'est pas toujours typique. Donc, là, il faut estimer ou mieux calculer la probabilité que le patient a une thrombose veineuse. Lorsque le tableau, donc, pour un patient, on suspecte une thrombose veineuse. Parfois c'est évident, donc la probabilité est très élevée que le patient a une thrombose veineuse. Parfois c'est douteux, c'est suspect, donc on n'est pas sûr. Donc on peut estimer à peu près est-ce que vraiment il y a une thrombose veineuse ou le risque n'est pas très élevé. Ou on peut calculer le score de Reis qui va donner quelque chose de quantitatif pour savoir à peu près quelle est la probabilité que le patient a une thrombose veineuse et ce pour orienter par la suite les examens paracliniques. Donc, si le patient, par exemple, a déjà un cancer hépatique, on met 1. S'il a une paralysie ou une parésie ou un plâtre récent, donc une fracture, on met 1. S'il est alité pendant plus de 3 jours, ou s'il a subi une chirurgie pendant 3 mois, on met 1. S'il a une douleur à la palpation des veines profondes, on met 1. S'il y a un œdème de tout le monde, on met 1. S'il y a un œdème unilatéral du mollet supérieur à 3 cm par rapport à l'autre mollet, on prend un mètre du banc, on mesure le périmètre du mollet d'un côté et d'un autre. Si la différence est supérieure à 3 cm, on met 1. Si on a un œdème qui prend le godet, on met 1. Si on a des veines collatérales superficielles, pas des varices, donc tu vois, si la personne a déjà des varices, on peut le faire. Si on a des veines collatérales, donc des veines superficielles dilatées, donc on met 1. Et si on a un diagnostic alternatif, si on pense que ce n'est pas une thrombose, on pense que c'est autre chose, par exemple une cellulite, on met moins 2. On fait le total, si le total est supérieur à 2, c'est la probabilité est élevée. S'il est inférieur à 1, la probabilité est faible. Entre les deux, c'est intermédiaire. Oui. Ça dépend de la partie inférieure. Généralement, il manque inférieur. Il manque supérieur, c'est exceptionnel. Avoir une thrombose veineuse. Donc, ça, c'est le score de Wells. Bon, c'est pas important de l'avoir par cœur, mais c'est pour avoir une idée. C'est le raisonnement. On va voir plus sur le raisonnement. Donc, On transmet les examens paracliniques qu'on a essentiellement les dédicats et le docteur. Vous en faites pour que l'on pose le point ? Les dédicats, c'est quoi ? Donc, c'est des produits de dégradation de la fibre. La cascade de la coagulation va se terminer par la fibrine, donc c'est des fibres qui vont consolider le thrombus pour situer des plaquettes. Donc, les plaquettes, c'est l'agrégation de la vitale, les plaquettes vont s'agréger, et le fibrine va consolider le thrombus. Donc, automatiquement, il y a formation de fibrine, le corps va essayer de viser, donc de dissoudre la fibrine par la fibrine motrice physiologique. Donc, il y a des protéines à l'intérieur du corps qui vont essayer de viser la fibrine. Donc, la fibrine motrice dans l'infarctus, la thrombolyse. Donc, il y a la thrombolyse physiologique, c'est le même médicament, le TPA, le plasminogen activator, qui va, une protéine qu'on appelle TPA, c'est ce plasminogen activator, va activer la plasmine va viser la fibrine. Donc, la dégradation de la fibrine va libérer des petits molécules chimiques qu'on appelle les dédimères, qu'on va les doser. Dans le sang. Donc, si on trouve des dédimères, c'est qu'il y a une thrombose, théoriquement. C'est clair? Donc, les dédimères reflètent l'existence d'une thrombose et d'une fibrinolyse physiologique. Le problème, c'est que cet examen est très sensible. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi très sensible? C'est daté. On peut avoir des faux positifs. On peut avoir des dédimères positifs sans qu'il y ait une thrombose. Et par exemple, dans les cancers, les patients opérés, les traumatisés, les infections, en cas d'infarctus, en cas de grossesse, donc toutes ces situations, on peut avoir un taux positif élevé de dédimère sans qu'il y ait une thrombose veineuse. C'est clair. Donc c'est un examen sensible, mais qui n'est pas spécifique. La sensibilité d'un examen, c'est de savoir détecter. Donc c'est rare qu'on rate. Une thrombose veineuse. Donc, lorsqu'on trouve des dédimères négatifs, généralement, il n'y a pas de thrombose. Mais il est plus spécifique, c'est-à-dire que lorsque les dédimères sont positifs, c'est pas sûr qu'on ait une thrombose veineuse. C'est clair. Vous avez compris la différence entre sensibilité et spécificité. Donc, les dédimères, c'est un examen sensible. Donc, il est utile pour la détection, mais il n'est pas utile pour confirmer, il n'est pas spécifique. On peut commencer par faire un dosage des dédimères. Si les dédimères sont négatifs, on est tranquille. Si les dédimères sont positifs, on passe à autre chose. Il faut confirmer par autre chose, généralement par le codoppler veineux, qui est l'examen clé. Donc vous voyez sur l'image, ça c'est des artères. Voici la main, qui est assez dilatée. Elle est remplie d'un matériel glycogène qui est le thrombus. C'est clair sur l'image. Voici la main. Normalement, lorsqu'on met la couleur, on trouve la main remplie de couleurs. On n'a pas de couleur ici, elle est remplie d'un matériel glycogène. Ça, c'est ça le thrombus. En plus, le signe le plus important, c'est pas ça. Le signe le plus important, c'est. Voilà, donc c'est la non-compressibilité de la veine. Normalement, lorsqu'on appuie avec la sonde sur la veine, elle se collabore. Parce qu'il n'y a pas de pression, la pression est très faible à l'intérieur de la veine. C'est pas comme l'artère. L'artère, il faut plus de pression pour la faire collaborer. La veine, dès qu'on appuie, elle se collabore. Si la veine reste dilatée à la pression de la sonde, bon, on est sûr, c'est une thrombose veineuse. Donc c'est très simple. On met la sonde sur l'aine pour la veine fémorale. Si il n'y a rien, donc on élimine une thrombose veineuse fémorale. Ensuite, on met la sonde sur le creux poplité, on appuie, si la veine se collapse, c'est bon. Donc on a éliminé une thrombose veineuse proximale, ce qui est le plus important. Par contre, les thromboses veineuses distales au niveau du mollet, il faut plus d'expérience. Donc on peut les rater. Si on n'a pas assez d'expérience, on peut rater le diagnostic de thrombose veineuse distale. Soit, donc, on l'adresse vers un opérateur entraîné, si on suspecte vraiment qu'il y a une thrombose. Soit on répète l'examen une semaine après, par exemple. Si le thrombus reste au niveau du mollet, c'est pas grave. Si on n'a pas des signes de thrombose veineuse proximale, on est tranquille. Donc l'examen clé, c'est l'écho-doppler. C'est clair. examiner. Bien sûr. Donc, comme l'examen clinique, il faut toujours examiner de façon symétrique pour voir, pour comparer. Donc, on a également la flébographie qui n'est plus utilisée. Donc, avec l'avènement de l'échographie, on n'utilise plus la flébographie. Donc, c'est l'injection d'un produit de contraste à l'intérieur de la valve. Donc, c'est invasif. On incite l'injection d'un produit iodé, etc. Donc, quelle est la stratégie diagnostique si on suspecte une thrombose veineuse? Donc, si on suspecte une thrombose veineuse, devant le symptôme pathologique, donc passer en tant qu'un trouble exprimé par ça, une douleur d'un membre, la première des choses, c'est d'estimer la probabilité. Si on est sûr vraiment, ou si on a un score de Wells assez élevé, on passe directement vers l'écho Doppler, qui va éliminer le diagnostic pour confirmer le diagnostic et dans ce cas on commence le traitement. Si par contre la probabilité pré-test, c'est la probabilité avant le c'est la probabilité est faible, on peut demander les dédimères. Si les dédimères sont négatifs, on a la exploration. Si les dédimères sont positifs, on va confirmer par un écho Doppler. C'est clair. Donc, les dédimères, on les demande lorsque la probabilité est faible. Lorsque la probabilité est élevée, c'est le panneau typique, on va directement vers le Doppler. On peut même commencer le traitement avant de faire le Doppler. Si le panneau n'est pas vraiment typique, donc on dose les dédimères. Généralement, les dédimères, c'est pour les patients ambulatoires. Les patients qui ne sont pas hospitalisés, les patients qui viennent avec douleur, stupéfaction, voilà. C'est pas une petite douleur, il n'y a pas vraiment une stupéfaction importante, etc. Pour éliminer, on fait les dédimères, c'est négatif. Donc, si on veut éliminer le diagnostic, on demande des dédimères. Par contre, si on peut confirmer, surtout chez les patients hospitalisés, généralement, il faut passer directement vers la thrombose, vers le Doppler. Chez les patients hospitalisés, souvent les dédimères sont positifs. C'est des patients opérés, des patients traumatisés, etc. C'est clair? Donc après le diagnostic positif, on peut rechercher l'étymologie, c'est les facteurs prédisposants. Donc on va interroger le patient, surtout sur les antécédents familiaux, s'il y a des thromboses dans la famille, donc c'est une thrombophilie. Si elle a été opérée récemment, si elle a subi un traumatisme récent, si elle a été immobilisée pour un conflit récent, etc. Donc on va interroger le patient. Si on trouve rien, donc on peut rechercher. Donc, ce qui est gênant, c'est surtout les néoplasies. Certains cancers vont se révéler par une thrombose veineuse. Un patient qui n'est pas connu pour avoir un cancer, et il va se présenter d'emblée avec un tableau de thrombose veineuse. Donc, il faut au moins faire quelques examens, pas très compliqués, pour détecter les cancers les plus fréquents. Donc, on va rechercher par exemple du sang dans les selles. On fait un thorax pour le cancer du poumon. On dose les PSA pour le cancer de prostate. Pour les femmes, on va faire un examen gynécologique avec une mammographie et une échographie. Donc, les examens les plus simples pour les cancers les plus fréquents. Et il faut garder le patient en surveillance. Donc, à des intervalles réguliers, on le revoit, puisque parfois on ne trouve rien, et après quelques mois, on va avoir le cancer. Surtout après 40 ans. Les jeunes, généralement, c'est la thrombophilie. Un patient jeune qui va faire une thrombose veineuse, c'est la thrombophilie. On peut doser les protéines C, les protéines S, l'antithrombine, les facteurs 5, etc. Mais ce n'est pas vraiment utile pour le traitement. Même si on les trouve négatifs, ça ne va pas changer l'attitude thérapeutique. Et même si on les trouve positifs, ça ne va rien changer. Donc généralement, il n'est pas utile de les rechercher, sauf dans certaines situations particulières. C'est clair? Le traitement. Donc, c'est facile. Donc, on a une thrombose, on va donner des anticoagulants. Vous avez fait le cours des anticoagulants? Non. Donc, quels sont les anticoagulants qu'on donne? Lisiparine, HBPM. Aspirine. Avica. Les Avica. Donc, on a plusieurs antithrombotiques. Bon, l'aspirine n'est pas utilisée pour les thromboses veineuses. aspirine, c'est pour la thrombose artérielle, AVC, ischémie ou infarctus. Pour la thrombose veineuse, il va avoir un effet à long terme. S'il apparaît une patiente qui ne peut pas tolérer les antibiotiques avec un long terme, on peut laisser l'aspirine, mais ce n'est pas très efficace. Donc l'aspirine n'a pas vraiment sa place pour le moment. Donc on a les AVK. Les AVK, c'est les antivitamiques, ce sont des anticoagulants. Par voie orale. Ça se prend par voie orale. C'est les plus adaptés au traitement à long terme, parce que généralement le traitement va être prolongé. On va donner des antivitamiques. Problème avec les antivitamiques, on ne peut pas les donner d'emblée. On ne peut pas donner d'emblée des antivitamiques. Pourquoi? Vitamine. La réponse d'un facteur sûr. De vitamine A dépend. Facteur qui n'est pas. La réponse. Ils vont inhiber les facteurs vitamine A dépendance, ça va entraîner, ça va diminuer la population. C'est sans utile. Et on ne peut pas les donner d'emblée. La réponse varie d'un sujet à l'autre. Il faut donner d'abord des éparines. HPPA. Dose dépendante. Pourquoi on ne peut pas donner d'emblée des AVK? Parce que leur effet est tardif. Oui. Pour avoir un effet par les antivitamiques, il faut un effet plein, il faut au moins 5 jours. Donc le patient vient avec une thrombose veineuse, dans les 5 jours, il peut mourir par une embolie pulmonaire. Donc on ne peut pas donner seulement les antivitamiques. Donc la période, la première période, les premiers 5 à 10 jours, il faut donner une éparine. L'éparine, c'est un anticoagulant par voie intraveineuse ou sous-cutane. Ça dépend. Donc, il faut commencer par l'éparine pour couvrir la période où les AVK ne sont pas efficaces. Ensuite, lorsqu'on a, après 5 à 10 jours, l'AVK devient efficace, on arrête l'éparine et on commence par. On commence par. Avec les antiépariques. C'est clair? Donc, en plus, c'est pour vous également, les antiépariques inhibent dans certaines des protéines C et S. Donc, ils vont favoriser au début, ils vont favoriser l'hyperpolarisation. Donc, on commence toujours, sauf s'il n'y a pas d'urgence, dans d'autres situations, pas dans la thrombose veineuse, dans certaines situations, il n'est pas urgent de commencer par des barils, on peut donner des outils vitamiques. Monsieur, on peut parler des outils. Oui. Oui. On commence d'emblée par l'AVK, plus les barils. Les barils, on a deux types de barils. L'éparine de grain. L'éparine non fractionnée et de barres moins moléculaire. Donc, l'éparine non fractionnée, l'éparine c'est une monomolécule, c'est un polysaccharide qu'on trouve dans les intestins de la vache et du porc. Donc, c'est un polysaccharide très lent. Donc, on ne peut pas vraiment savoir quelle est la dose efficace. La dose efficace, elle est très variable d'un sujet à l'autre. Oui. Donc, il faut une surveillance pour avoir une dose efficace. Donc, on surveille les parines par le temps de céphalique active. On donne les parines, on y met généralement par la seringue électrique, donc une injection, une perfusion continue par la seringue électrique, et on va doser le TCA, et on va savoir est-ce que la dose est efficace ou non. Pour que la dose soit efficace, le TCA doit être à 1,5, entre 1,5 à 2,5 le témoin. Donc on a le témoin à 5, et on compare si le TCA est multiplié par 1,5 à 2,5, on est dans la zone thérapeutique. Donc les parines, ça se compte généralement au niveau. On a les parines, les parois sous-cutanées, qu'on appelle la calcéparine. Donc les parines par voie IV, c'est la parine sodique, les parines sous-cutanées, c'est la calcique, donc la calcéparine. Mais également, ce n'est pas très efficace, il faut surveiller le TCA, etc. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser les parines? Rarement, très rarement, l'utilisation des parines. Normalement, on utilise des HPPA. Les parines, on utilise dans deux situations. En cas d'insuffisance rénale sévère, dans l'insuffisance rénale sévère, les HPPA sont éliminés par le RAP, donc on ne peut pas vraiment les utiliser, très difficilement. Soit lorsque le patient va subir une intervention en urgence. Pourquoi? Parce que les parines ont une durée de vie très courte. Donc, lorsqu'on arrête la progression des parines, au bout de 4 heures à peu près, les effets sont élevés et on peut opérer le patient. Par contre, si on donne une éparine de bas pour moléculaire par voie sous-cutanée, l'effet dure 12 à 24 heures. Donc, si le patient a besoin d'une intervention en urgence, on va entraîner des hémorragies. Donc, si on appelle le patient alors que l'effet de l'épargne est toujours lié, donc ça va donner des hémorragies au cours de l'intervention. C'est clair? Donc, l'épargne rarement utilisé, sauf en cas de patient cérébral sévère ou en cas de patient dans une situation d'urgence. Donc, on risque de l'opérer à n'importe quel moment. Il vaut mieux avoir un médicament d'action rapide qu'on peut arrêter rapidement pour opérer le patient. Donc, on a les HVPM, les épargnes de vapeur moléculaire. Donc, on a pris la molécule de l'électrolyte. Oui. Donc, il y a des interventions qui ne sont pas à risque hémorragique. Par exemple, si on a une cataracte, par exemple, on peut donc l'opérer sous anticoagulant sans problème, il n'y a pas de risque hémorragique. Par contre, une neurochirurgie, on ne peut pas opérer avec le patient. Mais bon, généralement, on n'arrête pas anticoagulant, on est bon. Sauf si l'anticoagulation n'est pas nécessaire. Un patient qui a une valve mécanique, par exemple, si on arrête l'anticoagulation, il risque de faire une thrombose de valve qui peut être mortelle. Donc, c'est dommage d'arrêter l'anticoagulation pour longtemps. Par contre, un patient qui a un problème de fibrillation ventriculaire, un faible risque, qui est mis sous un on peut arrêter quelques jours. Oui? C'est bon. Donc, la molécule d'épargne, si on a une très longue, on va la découper chimiquement et on aura l'épargne de vapeur moléculaire. Donc, on a plusieurs épargnes. La plus utilisée, c'est. De l'environnement, et donc ça varie. Donc, de l'environnement, la dose est claire, c'est clair. On n'a pas besoin de mesure de dose de TCA, de pour savoir quelle est la dose efficace. Donc, la dose, elle dépend du poids. Directement, donc, si le patient pèse 60 kg, on va donner donc, 100 unités par kilo par 12 heures, c'est-à-dire on va donner 2000 par 24 heures. Donc, on va donner 0,6. Pour être simple, on va donner 0,2 de poids, deux fois par jour. Un patient qui pèse 60 kg, on va donner 0,6 deux fois par jour. Un patient qui pèse 80 kg, on donne 0,8 deux fois par jour. Donc on a des seringues pédantiques, on a des seringues à 0,2, à 0,4, à 0,6, à 0,8. Donc s'il pèse 80, on prend la seringue de 0,8, on injecte une fois, deux fois par jour. C'est clair? Donc c'est très simple, le dosage pour de l'environnement. Donc, en fait, dans la molécule de l'épargne, il y a une seule partie qui est efficace. Donc, si on découvre la molécule de l'épargne, si on prend, donc c'est un polysaccharide, si on prend 5 molécules de sucre, 5 unités, donc ce qu'on appelle le polysaccharide, il est suffisant pour avoir une anticoagulation efficace. Donc, dernièrement, bon, ça fait quelques années, on a appris ce fait sur le pentasaccharide et on peut l'utiliser pour l'anticoagulation et on l'appelle fondant par virus. C'est un anticoagulant, fondant par virus. C'est le pentasaccharide efficace pour la molécule d'épargne. Il est suffisant, on n'a pas besoin de toute la molécule. En plus, on a moins d'effets secondaires, etc. Donc, on peut utiliser les HPPM. Les HPPM, c'est des molécules plus longues que le pentasaccharide. Mais c'est assez moins long que les parés. Malheureusement, ce n'est pas disponible chez nous. Donc, on utilise généralement les HPPM à des doses adaptées au poids, par voie sous-cutanée. En plus, avec les HPPM, on a moins de risque de thrombose, de thrombopénie. Thrombopénie inductale. Le risque avec l'épargne peut entraîner une thrombopénie très sévère. Le problème avec la thrombopénie de l'épargne, c'est qu'elle va entraîner, pendant une thrombopénie, ça va entraîner une hémorragie. Dans la thrombopénie induite par l'épargne, ça entraîne des thromboses, des thromboses paradoxales. Donc, lorsque le patient commence à avoir des parines, au bout de 5 à 10 jours, il faut faire une FNS. Si on a une chute du taux des plaquettes, au-dessus de 100 000, une chute de 7, une chute importante des plaquettes, ça risque d'entraîner des thromboses veineuses. Paradoxal. C'est un mécanisme immunologique, c'est des anticorps, les autres anticorps qui favorisent l'agrégation plaquettaire. De façon paradoxale. Dirigé contre les plaquettes, ça donne une thrombopathie, les plaquettes, ça cuisine, ça donne des thromboses veineuses massives, on voit les pulmonaires massives, thromboses bilatérales, etc. Donc c'est assez gênant. Donc c'est pour ça qu'on utilise moins les paris. Avec l'HVPM, le risque est moindre. On a moins de risque, c'est-à-dire le risque est 10 fois moindre par rapport à l'héparine, d'avoir une thrombopénie induite par l'héparine. Donc c'est pas nécessaire de surveiller la FNS de façon régulière. Avec le fond d'Aplarinux, il n'y a pas de risque. Pour le moment, on n'a pas décrit de thrombopénie induite par le fond d'Aplarinux. C'est clair? Donc le traitement de la thrombose veineuse, on va donner généralement de l'eau veineuse à une dose adaptée au poids, deux fois par jour. Le jour même, on va donner des AVK. Donc les AVK, chez nous, on a un seul AVK, c'est le Saint-Tron, là c'est mon couvert. Ailleurs, on sait quoi que le ventilitamide la plus utilisée, c'est de la warfarine. Ici, chez nous, c'est le Saint-Tron. Donc on donne d'emblée une dose le premier jour, généralement un demi de comprimé ou l'autre, trois quarts de comprimé. Et chaque jour, on va surveiller l'INR. Donc, pour surveiller l'efficacité du Saint-Tron, c'est l'INR. Le problème avec le Saint-Tron, c'est comme les paris, on n'a pas de dose efficace. Certains patients vont répondre à un quart de comprimé, d'autres vont nécessiter plus de deux comprimés. Donc, on ne peut pas savoir quelle est la dose efficace. Donc, on donne une dose moyenne, un demi par exemple. On surveille l'INR chaque jour. Lorsqu'on a un INR entre 2 et 3, c'est bon, on a la dose efficace. Ensuite, il faut répéter l'INR de façon régulière. On commence chaque semaine, ensuite chaque bien sûr, chaque mois. Généralement, au moins une fois par mois, il faut doser l'INR. Ou le TP. On parle également de TP-INR. Donc, c'est la même chose. Le TP n'est pas standardisé. Donc, pour standardiser le TP, on utilise l'INR. Donc, il faut voir avec l'INR. Lorsque vous trouvez le bilan, vous trouvez TP plus l'INR. Il faut voir l'INR. L'INR doit être entre 2 et 3. Lorsque l'INR est inférieur à 2, on n'est pas assez efficace. Il faut augmenter la dose. On augmente par un quart et on refait l'INR. Lorsque l'INR est supérieur à 3, il faut diminuer la dose. C'est clair? De toute façon, vous allez faire du cours normalement sur les anticoagulants. Donc, on donne des AVK dès le premier jour. Jusqu'à avoir un INR entre 2 et 3. Donc, au bout de 5 à 10 jours, on arrête les paris, les probinox généralement, et on continue avec les AVK pendant pour au moins 3 mois. Donc, 3 mois, c'est la durée minimale. Pour le moment, c'est quoi de la sens, c'est pas une thrombose veineuse. Ensuite, après les 3 mois, on va discuter. En fonction des effets, s'il y a une cause qui a déclenché la thrombose. Fracture, une chirurgie, etc. Là, on peut arrêter après 3 mois. Donc, le patient est guéri, on peut arrêter, c'est bon. Si la thrombose veineuse n'a pas de cause évidente, donc il n'y a pas de contraception, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de postpartum, il n'y a pas de fracture, pas de chirurgie, etc. Là, il faut continuer le plus tôt possible, le plus longtemps possible. Si on peut continuer à vie, tant mieux. Donc, on continue à long terme, sauf s'il y a une contre-indication. Donc, si les patients et ce Saint-Tron, il va développer une hémorragie. Après, on est obligé d'arrêter le Saint-Tron. Et on va traiter l'hémorragie, ensuite on discute de revenir vers le Saint-Tron, etc. Parfois, c'est un peu difficile de gérer le traitement anticoagulant en long terme. Oui? Pourquoi le problème de si le patient a développé une thrombose veineuse suite à une cause de. Généralement, tous les patients ont une certaine hypercoagulabilité. C'est pourquoi certains patients vont développer, qui ont des patients opérés, certains vont développer une thrombose et d'autres non. C'est qu'il y a des patients sous-jacents qui thrombosent une hypercoagulabilité. Donc, si la cause est réversible, une chirurgie, on l'arrête et on voit. Alors, le patient ne récidive pas. Si le patient récidive, là, il faut maintenir la. S'il n'y a pas une cause évidente, là, également, il faut maintenir le plus longtemps possible. C'est clair. Bon, récemment, on a ce qu'on appelle les nouveaux anticoagulants. Actuellement, bon, ce n'est pas encore disponible chez nous, mais ça risque de l'être. C'est récemment. Donc on a des anticorps blancs comme le Saint-Fran, ça se prend par voie orale et ça ne nécessite pas le dosage de TP, de l'INA. Donc les patients sont très gênés par le dosage de TP. Chaque fois, il faut les préparer pour avoir un INA. Donc c'est très gênant. Ou rarement les patients qui sont stables sous traitement. Souvent, on va augmenter, diminuer, c'est très difficile de gérer le traitement. Par contre, avec ces nouveaux anticoagulants, on donne une dose précise et c'est bon. On n'a pas besoin de doser, de surveiller par un test biologique. En plus, ils ont une action rapide. Donc, ce n'est pas comme le Saint-Fran, on va attendre 5 à 10 jours pour avoir un effet. Et donc, dans ce cas, on peut ne pas donner des éparines. On donne directement l'anticoagulant en ambulatoire et le patient est protégé pour la période où il est traité. C'est clair? Un deuxième volet de traitement, c'est la compression invasive. En plus de l'anticoagulation, il faut prescrire des bars à Paris. Parce que les vins, l'intérêt des bars à Paris, c'est diminuer la pression intraveineuse pour éviter le développement du syndrome post-thrombosique, qui est très gêné. Donc on les garde généralement pendant au moins 2 ans après la thrombose pour éviter le syndrome post-thrombosique. Ce débat, Amine anti-abstin. Dirait minimal. Donc la prévention, on termine par la prévention, ce qui est le plus important. Donc il faut éviter, pour éviter tout cela, on peut prévenir la survenue de la thrombose veineuse. Facilement en donnant des anticoagulants, généralement une dose PPR, à la dose, une dose préventive. Pour le bilan, c'est 0,46. C'est pas en fonction des fois, c'est une dose standard. 0,46, c'est une fois par jour. Le traitement préventif, c'est une fois par jour, en fonction des fois. Le traitement préventif, c'est une seule injection à 0,4. C'est dans toutes les situations où il y a un risque. Donc les patients qui vont être opérés, surtout la chirurgie orthopédique, dans la gynéco, la chirurgie générale, pas au risque, chirurgie urologique, moi, toutes les chirurgies qui sont un peu lourdes, donc il faut donner l'anticoagulation. Donc les chirurgies qui vont nécessiter une immobilisation après le geste. Donc les chirurgies ambulatoires, voire normalement, ce n'est pas vraiment nécessaire d'anticoaguler, il faut conseiller juste de lever précoce. Et en milieu médical, les patients hospitalisés qui vont être admis pendant quelques jours, également, il faut donner des anticoagulants, donc les AVC, ischémiques, les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les patients en réanimation. Donc, tous ces patients vont nécessiter une prévention par, généralement par les HPP. Deux situations particulières, on termine. Donc, la grossesse, c'est déjà une situation à risque, puisque ça augmente la coagulation. Surtout en postpartum. Et parfois, en pleine grossesse, le patient peut développer une thrombose veineuse. Et la clinique est un peu trompeuse, les œdèmes sont très précoces chez la femme enceinte. Parfois, c'est difficile de faire la part. En plus, les dédimères sont souvent positifs. On les demande généralement, mais. Positif, c'est pas sûr que la thrombose. Il faut confirmer par le Doppler. En plus, on a un problème avec l'anticoagulation. Les anticoagulants sont contre-indiqués. Les antivitamiques sont contre-indiqués dans le premier trimestre, puisqu'ils sont dératogènes, et dans le troisième trimestre, puisqu'ils favorisent les hémorragies fœtales et maternelles. Donc, généralement, si la femme est enceinte de thrombose, au cours du premier trimestre, on donne de l'héparine ou de l'ambulance. Deuxième trimestre, on peut revenir au Saint-Fran. Troisième trimestre, lorsque l'accouchement s'approche, on revient à l'épargne. C'est clair? Donc, le premier et le troisième trimestre, c'est des contre-indications, aux antihypalonicaires. Bon, c'est des contre-indications parfois relatives. Parfois, on juge que le risque thrombotique est très élevé, c'est généralement dans les bords mécaniques. Parfois, on maintient le Saint-Fran pendant 9 mois. l'incident respiratoire pour éviter une thrombose de poids, par exemple. Mais dans la thrombose veineuse profonde, généralement, on passe le centre en cours de deuxième trimestre. Dans le premier et le troisième, c'est les paris IV ou l'ambulance. On a une deuxième situation particulière, c'est le cancer. Dans le cancer, généralement, on ne donne pas des antihépariques. On maintient le patient sous des héparines de vapeur moléculaire pendant 3 à 6 mois. On a trouvé dans les études que les antihépariques sont plus efficaces pour prévenir les récidives que les antihépariques. Donc après 6 mois, si le patient est guéri, on peut arrêter. Si le patient reste toujours, si le cancer est toujours évolutif, on peut passer par des antihépariques. Ce qui veut dire que les antihépariques à très long terme, c'est un peu difficile quand des injections sont parées, en plus on a le risque d'ostéoporose, etc. Parfois on est obligé de passer aux antihépariques. Bon, la thrombopénie induite par les paris, on en a parlé. Donc, en conclusion, bon, toujours il faut savoir suspecter la thrombose veineuse devant une symptomatologie asymétrique. Les deux membres, si on a une douleur ou une tumefaction B ou une tumefaction asymétrique, parfois les thromboses sont bilatérales. Mais même si elles sont bilatérales, ce n'est pas si très symétrique. Par contre, si on trouve des œdèmes de façon symétrique, généralement c'est autre chose. C'est une chose rénale, une chose cardiaque, une chose hépatique, etc. Donc, par contre, dans certaines symptomatologies unilatérales, ça évoque plus une thrombose veineuse. Donc, si la probabilité de thrombose n'est pas très élevée, on peut demander des dédicaces, surtout ambulatoires, pour éliminer le diagnostic. Si la probabilité est très élevée, on passe directement vers le Doppler qui va confirmer le diagnostic. Le traitement, c'est association pour le moment HBP1-APK. Peut-être dans le futur, lorsque les nouveaux anticoagulants seront disponibles, on peut d'emblée donner un nouvel anticoagulant et le patient sans donner de HBP. Il faut savoir que le traitement peut être fait en ambulatoire, n'est pas toujours nécessaire d'hospitaliser le patient pour une thrombose veineuse. Le patient peut s'administrer l'injection de l'organe, par exemple, en ambulatoire. Même et le plus important, c'est la prévention. Pour savoir prévenir la thrombose veineuse, c'est très important. Et par élastique, oui. Pour la prévention, on peut utiliser la compression élastique, surtout lorsqu'on se trouve dans une contraindication. Par exemple, un patient qui a un risque hémorragique très élevé, on ne peut rien donner. On ne peut pas donner des anticoagulants. Donc, on peut donner en moins des compressions élastiques. Oui. Pas de traitement chirurgical. Un traitement chirurgical. Il y a beaucoup de traitements par cathétérisme, par chirurgie, on a également la thrombolyse. Et tous ces traitements ne sont pas encore validés. Donc on peut, pour une thrombose veineuse, faire une chirurgie ou la thrombolyse in situ ou le stenting, etc. Ça se fait. Mais ce n'est pas sûr que c'est efficace, puisque la pathologie, généralement, elle est traitée par des anticoagulants. Donc on va avoir le risque de l'intervention, le thrombolyse qui entraîne des hémorragies. Donc les études sont négatives. En cas de contre-indication aux antihépariques, généralement le patient est déjà dans une situation difficile, et même la chirurgie n'est pas obligatoire. Si il y a une contre-indication, généralement, la chirurgie est également très importante. C'est rare que le patient peut tolérer une chirurgie, mais